for a duet devant. Il y a Madeleine, le train fauché qui passe son son. 90 navires guillemets passent son son disque. Qui, Madeleine, l'intérêt lui joue. Sérieusement, parce que ce n'est pas à Hofton. Catch, nous ne pouvons pas s'affouter. Madeleine mécanique. C'est un piège autour de ces tunes. L'émotion est forte.